fait dans tes tas de raisons. Comment fait taire un chien? Aidez-nous tes passions, commandez-nous des liens. L'amour est un mystère, un secret de la terre. Dans l'ombre de nos corps, il y a la vie, la mort. Libre, libre est la voix qui s'ouvre devant toi. L'horizon n'est qu'un leurre, tout empli de vision, reculant à chaque heure, frontière d'illusion. Éternel infini, tourne la roue de vie, tourne, tourne avec elle, écoute le t'appel, libre, libre est la voix qui s'ouvre devant toi. Laisse tes certitudes s'envoler en fumée, elles sont tes servitudes. Et si tu veux voler, sois léger comme plume, léger comme une brume, traversée de lumière et parcourant la terre, libre, libre est la voie.